So for Daniel, donc pour Daniel, Daniel, he sees the two resurrections as though happening at the same time. Daniel, il a vu les deux résurrections comme si elles arrivaient au même temps. He sees those who are resurrected for the kingdom of God. Il voit ceux qui sont ressuscités pour le royaume de Dieu. And those resurrected for damnation, for judgment. Et ceux ressuscités pour la damnation, le jugement. The way he describes them, mais la manière dont il les décrit, it's as though the two resurrections are happening same time. Est comme si les deux résurrections arrivaient au même temps. But for me, when it's about to happen, mais pour moi, quand c'est sur le point d'arriver, and he's sending me to you, et il m'envoie vers vous. Now he shows me those who are actually resurrected to enter the kingdom of. Maintenant, il me montre ceux qui sont ressuscités pour entrer dans le royaume de Dieu. And the others that have not come up for the second resurrection. Et les autres qui ne sont pas montés pour la seconde résurrection. Now he accounts by voice, he says, and the majority of them. Maintenant, il explique par voix. Par voix, il dit. Et la majorité d'entre eux sont restés dans la poussière de la terre. Alléluia. Alléluia. However, when Daniel sees, cependant, quand Daniel voit that is resurrected for the kingdom of God, ceux qui sont ressuscités pour le royaume de Dieu, Daniel sees, Daniel voit two sub-groups. Deux sous-groupes. Daniel sees the following. He sees resurrection. Daniel voit ce qui suit. Il voit la résurrection. One group for heaven, un groupe pour les cieux. Another group for judgment. Un autre groupe pour le jugement. Among the group now, because now I am involved. Parmi le groupe à présent, parce que maintenant je suis impliqué. I have come, I have seen the dream. Je suis venu, j'ai vu le rêve. I see the ones being taken up that Daniel saw going up. J'ai vu ceux qui sont enlevés que Daniel a vu monter. Now the Lord separates them and account by voice for the others. Maintenant le Seigneur les sépare et explique par voix pour les autres. Now the group that goes up to heaven. À présent le groupe qui monte aux cieux. Daniel saw two subgroups. Daniel a vu deux sous-groupes. Of one group. Dans un groupe. He sees those who are wise, wise. Il voit ceux qui sont sages, sages. Shining like the brightness of the heavens. Briller comme la splendeur des cieux. As they go. Comme ils vont. And then he sees those who are the teachers of righteousness. Et ensuite il voit ceux qui sont les enseignants de la justice. Those who lead many to righteousness, meaning the teachers of righteousness. Ceux qui en conduisent beaucoup à la justice, ce qui veut dire les enseignants de la justice. They are also going, but they are brighter than the wise. Ils y vont aussi, mais ils sont plus brillants que les sages. Alléluia. Alléluia. And so, therein is the message for the church. Et donc, là est le message pour l'Église. Because he's saying, parce qu'il dit that, look, those who are wise will enter. Que, voyez, ceux qui sont sages entreront. But if you go to the book of Job chapter 28, you can read from verse 20 to 28 itself. Mais si vous allez au livre de Job chapitre 28, vous pouvez lire du verset 20 au verset 28. You hear him celebrate wisdom. Vous l'entendrez célébrer la sagesse. Because you and I want to really know who are these that he calls wise, who enter. Parce que vous et moi, vous désirez savoir qui sont ceux qu'il appelle sages, qui entrent. And then I can be able to take their identities, their features. Et ensuite, je peux être en mesure de prendre leur identité. And weigh with myself. Et évaluer moi-même. Do they tally? Can I be one of them? Est-ce qu'ils font le poids? Puis-je être l'un d'entre eux? If there is work, let me walk quickly and look like them. S'il y a quelque chose à faire, laissez-moi le faire vite et leur ressembler. Because it's about entry. Parce que c'est sur l'entrée. Listen to this now. Écoutez ça à présent. He says, those who are wise. Il dit, ceux qui sont sages. But when you go to the book of Job 28 from verse 20. Mais quand vous allez au livre de Job, chapitre 28, du verset 20 to 28. À 28. Then you hear him celebrating wisdom. Alors vous l'entendez célébrer la sagesse. Job 28, 28, precious people. Job 28, 28, précieuses personnes. Let's start from 25. Commençons à 25. When he established the force of the wind, quand il établit la force du vent, and he measured out the waters, et qu'il fixa la mesure des eaux, when he made a decree for the rain, quand il donna une règle à la pluie and a path for the thunderstorm, et une route à l'éclair et au tonnerre, then he looked at wisdom, alors il vit la sagesse and he appraised it and confirmed it and tested it. Et il l'évalua, il en posa les fondements et la scruta jusqu'au fond. And he said unto man, puis il dit à l'homme, that behold, voici, it is the fear of the Lord that is wisdom, and to shun evil is understanding. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. So now, when the Lord shows me this taking of the church, donc maintenant, quand le Seigneur me montre cet enlèvement de l'Église, those who are sleeping in the dust of the earth, ceux qui dorment dans la poussière de la terre, what is the message the church of Christ, quel est le message pour l'Église de Christ? He's saying, il dit that the wise, que les sages, those who are wise, ceux qui sont sages, they are glorious garments, leurs vêtements glorieux, the lustres of the light, the illumination of their garments, l'éclat de la lumière, l'illumination de leurs vêtements, is like the brightness of the heavens, est comme la splendeur des cieux. Meaning, run and ask them questions. Ce qui veut dire cours et pose-leur des questions. Stand at the altar and ask them. Monte à la chair et demande-leur. Church of Christ, Église de Christ, are you aware that this is the hour for wisdom in the church? Es-tu au courant que c'est l'heure de la sagesse dans l'Église? Because I've seen that event. Parce que j'ai vu cet événement. Church of Christ, Église de Christ, ever since you received the Lord, have you really walked in the fear of God? Depuis que tu as reçu le Seigneur, as-tu vraiment marché dans la crainte de Dieu? The biggest problem that plagues the church in South Africa today is the lack of the fear of God. Le plus grand problème qui arrête l'Église aujourd'hui est le manque de crainte de Dieu. Lack. Le manque. Then they can do anything and everything. Alors, ils peuvent faire n'importe quoi. The lack of the fear of God. That's why. Le manque de crainte de Dieu. C'est pourquoi. It's so bad that it is known. C'est si triste que ce soit connu. Among all the African nations. Parmi tous les pays africains, they say, ils disent, if you want a place where you can run to and make quick money, si vous voulez un endroit où vous pouvez courir et faire de l'argent rapide, start a church and business, quick money, commencez une église et faire des affaires, faire de l'argent rapide, go to South Africa. Allez en Afrique du Sud. You can open a quick shop. Vous pouvez ouvrir une boutique rapide. Tell them, bring money here quickly. They will bring it. Dites-leur, amenez vite de l'argent. Ils l'amèneront. South Africa is known for that. L'Afrique du Sud est connue pour cela. That you run there quickly, open a branch of your church and start harvesting money. Vous courez là rapidement, ouvrez une branche de votre église et commencez à récolter de l'argent. I'm saying that the reason those things have happened to the church is because of the lack of the fear of God. Je dis que la raison pour laquelle cela arrive à l'église, c'est à cause du manque de crainte de Dieu. Because I don't want you to fear to go into sexual sin. Parce que je ne désire pas que vous craigniez d'aller dans le péché sexuel. Because you fear HIV/AIDS. Parce que vous avez peur d'attraper le sida. I want you to fear to go into sexual sin because you fear God. Je désire que vous craigniez d'aller dans le péché sexuel parce que vous craignez Dieu. Alléluia. Alléluia. I want to hear that you fear God. J'aimerais entendre que vous craignez Dieu. I don't want to do that because I fear God. Je ne désire pas faire cela parce que je crains Dieu. Yeah, then that is powerful. Oui, et ça c'est puissant. That is heavenly. Ça c'est céleste. Because he says, those who are wise, like the brightness of the heavens. Parce qu'il dit, ceux qui sont sages, comme la splendeur des cieux. And that wisdom now he celebrates it, and he says, et cette sagesse, maintenant, il la célèbre, et il dit, behold, it is the fear of God that is wisdom. Voici, c'est la crainte de Dieu qui est la sagesse. In other words, he's asking the church of Christ, en d'autres termes, il demande à l'église de Christ, now that the Messiah is about to take the church, maintenant où le Messie est sur le point de prendre l'Église, ever since you received the Lord, ever since you became a pastor, depuis que vous avez reçu le Seigneur, depuis que vous êtes devenu pasteur, have you really lived in the fear of God? Avez-vous vraiment vécu dans la crainte de Dieu? And you can answer that question for yourself. Why? Et vous pouvez répondre à cette question pour vous-même. Pourquoi? Because, number one, parce que, numéro un, the fear of God is brought to us by the Holy Spirit. La crainte de Dieu nous est amenée par le Saint-Esprit. He's the one who constantly keeps revealing more and more about the person of Christ to us. Il est celui qui constamment continue de nous révéler de plus en plus sur la personne de Christ. In fact, the holiness of Christ to us. En fait, il nous révèle la sainteté de Christ. And the more he reveals to us, et plus il nous le révèle, the purpose is to reach the stature of the bride he has come to prepare. Et le but est que nous atteignions la stature de l'épouse qu'il est venu préparer. Mature. Mature. That's what he's talking about. C'est ce dont il parle. So in other words, donc, en d'autres termes, it's all about the fear of God. C'est tout à propos de la crainte de Dieu. And if you look at the practice, the what, the worship, the dressing, the talk. Et si vous voyez la pratique, le quoi, l'adoration, l'habillement, le top. The lifestyle in the church. Le style de vie dans l'église. It is all about lack of the fear of God. C'est tout à propos du manque de crainte de Dieu. Even the lie, for you to come and lie here. Même le mensonge, pour vous, de venir et de mentir ici, and say, God told me. Et dire, Dieu m'a dit. That means you really lack the fear of God. You don't have the fear of God. Ça veut dire que vraiment, vous manquez de crainte de Dieu. Vous n'avez vraiment pas la crainte de Dieu. That's why you can stand there. C'est pourquoi vous pouvez vous tenir là. But someone like me fears the Lord. Mais quelqu'un comme moi craint le Seigneur. Because of some of the encounters I have and the love I have for him. À cause de certaines rencontres que j'ai et l'amour que j'ai pour lui. I have to automatically fear him. Je dois automatiquement le craindre. And when you fear him, et quand vous le craignez, you cannot do certain things. Vous ne pouvez pas faire certaines choses. I've just revealed to you the enormity of the person of the Holy Spirit. Je vous ai juste révélé la grandeur de la personne du Saint-Esprit. He holds the earth in his hand like this, as though the earth is small. Il tient la terre dans sa main comme ça, comme si la terre était petite. So you can imagine. Ainsi, vous pouvez imaginer. Then you have to fear him. Ensuite, vous devez le craindre. You have to fear. Vous devez craindre. This is the hour for the fear of God in the house. C'est l'heure de la crainte de Dieu dans la maison. In your hearts. Dans vos cœurs. And then he goes on to say. Et ensuite, il va plus loin pour dire. However. Cependant. Those who lead many to righteousness, meaning. Ceux qui en amènent beaucoup à la justice, ce qui signifie. The teachers of righteousness. Les enseignants de la justice. They will shine even brighter. Ils brilleront même plus. Brighter. Plus brillants. Than the heavens. Que les cieux. They'll be like the stars and stars forever. Ils seront comme les étoiles et étoiles pour toujours. And so my question to the pastor. Et donc, ma question au pasteur. Ever since you became born again. Depuis que vous êtes né de nouveau, have you really led people to the righteousness of Jesus? Avez-vous vraiment conduit les gens à la justice de Jésus? That is a serious question. C'est une question sérieuse. Ever since you became pastor, have you really led people into the fear of God, the righteousness of God? Depuis que vous êtes devenu chrétien, avez-vous vraiment conduit les gens dans la crainte de Dieu, la justice de Dieu? Instead, à la place. Some of the things the church has done has led people away. Certaines choses que l'Église a faites a éloigné les gens. Away from the fear of God. Loin de la crainte de Dieu. Away from righteousness. Loin de la justice. But he's saying, mais il dit that heaven attaches a premium. Que les cieux donnent une priorité to righteousness. À la justice. That's why the whole day I've been trumpeting righteousness. C'est pourquoi toute la journée j'ai trompeté justice. Righteousness. Justice. Fine linen, bright and clean, was given her. Du fin lin, éclatant et pur, lui a été donné. Fine linen, the authority of the garment, righteousness. Du fin lin, l'autorité du vêtement. Justice. And I said, without righteousness, no heaven. Et j'ai dit, sans justice, pas de ciel. There you go. Là, nous allons. Without righteousness, no salvation. Sans droiture, pas de salut. Now you see another premium. Maintenant, vous voyez une autre priorité. Those who lead many to righteousness. Ceux qui en conduisent beaucoup à la justice. The teachers of righteousness. Now look at that now. Les enseignants de la justice. Maintenant, voyez ça. For them, like the stars. Pour eux, comme des étoiles. They are brighter. Ils sont plus brillants. If you look at the stars sometimes in the sky, quand vous voyez les étoiles quelquefois dans le ciel, they beautify the heaven. Elles embellissent les cieux. So that means the righteous in the house of the Lord really beautify the kingdom. Donc ça signifie que les justes dans la maison vraiment embellissent le royaume. If you go to the top school, si vous allez dans une école supérieure, maybe the vice chancellor will walk and say, oh yes. Peut-être que le vice-chancelier marchera et dira, oh oui. This is our corner of our stars. C'est le coin de nos étoiles. This one is a chief justice. Celui-là est un chef dans la justice. This one is actually a teacher in Harvard Law School. Celui-ci est enseignant à l'école de loi de Harvard. This one is a top sergeant. Celui-là est un sergent top. And I know of a king in heaven. Et je sais sur le roi dans les cieux. I know of a king in heaven. Je sais du roi dans les cieux. Who will celebrate his luminaries, his stars. Qui célébrera ses astres, ses étoiles. The teachers of righteousness. Les enseignants de la justice. There is a premium that heaven places on righteousness. Il y a une priorité que les cieux placent sur la justice. But he's saying, mais il dit that this is the hour of the fear of God. Que c'est l'heure de la crainte de Dieu. This is the hour, c'est l'heure for righteousness at the pulpit. De la droiture à la chair. In the house. Dans la maison. In the body, dans le corps, at this hour, en cette heure. But when you look at the wise, mais quand vous voyez les sages, Jesus himself, when he spoke about the midnight hour, Jésus lui-même, quand il a parlé de l'heure de minuit, he celebrated the wise virgin. Il a célébré les vierges sages versus the foolish virgins. Contrairement aux vierges folles. And he said, et il a dit that the wise church, que l'église sage, one church will have two congregations. Une église aura deux congrégations. The foolish congregation, la congrégation folle, and the wise church, et l'église sage, the wise congregation, la congrégation sage. And he says, the wise church will have a jar. Et il dit, l'église sage aura une jarre. A jar of oil. Une jarre d'huile. A jar. Une jarre. They will be the beholders of the Holy Spirit. Elles seront les détenantes du Saint-Esprit. And he says, et il dit, that anointing for preparedness cannot be shared. Cette onction de préparation ne peut pas être partagée. Never. Jamais. Never ever. Jamais, jamais. That's why you see the same Jesus that says, knock, it shall be opened. C'est pourquoi vous voyez le même Jésus qui a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Ask shall be given. Demandez et l'on vous donnera. But when the foolish ones come, mais lorsque les folles viennent, to ask for oil, demander de l'huile, it is denied. Elle est refusée. When they come to knock the door of heaven, the door is shut. Quand elles viennent frapper à la porte des cieux, la porte est fermée. It is not open. Elle n'est pas ouverte. Oh yes. Oh oui. The moment of truth is what I brought it. Le moment de vérité, c'est ce que j'ai amené. The same Jesus. Le même Jésus. Jesus, he preached so much about sharing. Jésus, il a prêché tellement à propos de partager. You know, help the poor. Vous connaissez, aidez les pauvres. When you ask, it shall be given. Quand vous demandez, on vous donnera. When you knock, it shall be opened. Quand vous frappez, on vous ouvrira. They asked, it was denied. Elles ont demandé, ça leur a été refusé. They knocked, the door was locked. In fact, he said, to tell you the truth, I do not know you. Elles ont frappé, la porte était verrouillée. En fait, il a dit, pour vous dire la vérité, je ne vous connais pas. Listen to this now. Écoutez ça maintenant. Be careful. Attention. He's saying, when it comes to the matter of preparedness. Il dit, quand il s'agit de la question de se préparer, that anointing cannot be shared. Cette onction ne peut pas être partagée. It is personal. Elle est personnelle. In fact, en fait, in that parable, if the wise had shared, dans cette parabole, si les sages avaient partagé, they would have missed heaven. Elles auraient manqué les cieux. And the fact that that parable happens, et le fait que cette parabole est arrivée by Jesus, it's red in the Bible, red. Par Jésus, c'est rouge dans la Bible, rouge. And in that parable, the Messiah comes. Et dans cette parabole, le Messie vient. That means the Messiah for sure is coming. Ça signifie que le Messie, pour sûr, vient. Because he comes there. Parce qu'il vient. Il vient là. It will be fulfilled. He is coming. Ça sera accompli. Il vient. Yes, he will come. Oui, il viendra. Alléluia. Alléluia. So he's saying, donc il dit that this is the time when the church should be holding the jar. Que c'est le temps où l'église devrait avoir la jarre. The jar of oil. La jarre d'huile. And yet, still taking the same celebration. Et encore, avoir tout de même la même célébration that Daniel celebrates on the rapture of the dead church. Que Daniel a célébré à l'enlèvement de l'église morte. Daniel says, those who are wise, Daniel dit, ceux qui sont sages will shine like the brightness of the heaven. Brilleront comme la splendeur des cieux. And if you take that cue, you see, he's celebrating them in the sense. Et si vous prenez cette file, vous voyez, il les célèbre en un sens que si maintenant vous allez à Matthieu chapitre 7, nous ne le lisons pas. He talks about them there also. Il parle d'eux là aussi. He said, il a dit, here's these words of mine. Écoutez ces paroles qui viennent de moi and put them into practice. Et mettez-les en pratique. We'll be like a wise man, a wise woman, a wise church. Vous serez comme un homme sage, une femme sage, une église sage that built her house, qui construit sa maison, her salvation, her life, son salut, sa vie, on the foundation of the rock, sur la fondation du roc. Again, listen to this. Écoutez ça. Whoever hears, quiconque entend and puts them into being, et les met en pratique. Meaning, the hearing of the words of God, the words of Jesus, is not the problem. Ce qui veut dire, l'écoute de la parole de Dieu, les paroles de Jésus, n'est pas le problème. Almost everybody has heard. Presque tout le monde a entendu. He's saying that the hearing of the words of Jesus is not the problem. Il dit que l'écoute des paroles de Jésus n'est pas le problème. Almost everybody can turn TV like this and hear something at least from Jesus. Presque tout le monde peut aller à la télévision comme ça et entendre au moins quelque chose de Jésus. Or read a book. Ou lire un livre. Or buy a Bible where. Ou acheter une Bible quelque part. But he's saying, mais il dit que l'écoute des paroles de Jésus et la mise en pratique des paroles de Jésus are two different events. Sont deux événements différents. If you hear and obey, si tu entends et obéis, then you get this pillar. Alors tu as ce pilier. The doing. La pratique. He's saying, what is taking the entire South Africa to hell? Il dit, qu'est-ce qui emmène tout le pays en enfer? Is failure to obey the words of Jesus. C'est le manque d'obéissance aux paroles de Jésus. If it is hearing, they have heard. Si c'est l'écoute, ils ont entendu. But to obey. Mais obéir. The problem today is to obey. Le problème aujourd'hui est l'obéissance. They question it, they contest it. Ils le questionnent, ils le contestent. They argue with it. Ils argumentent avec ça. They are tired, they look at their watch, they walk away. Ils sont fatigués, ils regardent leur montre, ils s'en vont. To obey. Tchou, obéir. Because the word says, for without holiness, nobody will see the Lord. Car la parole dit que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. To obey that is difficult. You understand? Obéir à cela, c'est difficile. Vous comprenez? You wonder why then are they not holy? Vous vous demandez pourquoi alors ne sont-ils pas saints? Because the word says it must be fulfilled. Parce que la parole le dit, ça doit être accompli. That wisdom that Daniel celebrates in that rapture of the dead. Cette sagesse que Daniel célèbre dans cet enlèvement des morts, now you can see, maintenant vous pouvez voir that there is need to establish obedience in the house. qu'il y a un besoin d'établir l'obéissance dans la maison. Obedience to the words of God. Obéissance à la parole de Dieu.